إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأشهد أنه قد جاهد في الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mes chers sœurs, mes chers frères, mes bien-aimés, mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je porte dans mon cœur, à ma umma, j'aimerais commencer avec vous une nouvelle série d'audio. Cette série, j'aimerais la consacrer, ou plutôt la dédier à la catégorie historique. Une série de cours dans laquelle nous allons aborder l'histoire. Mais j'aimerais également la placer dans la catégorie politique ou géopolitique. Car nous allons étudier dans cette série d'audio des faits qui ont commencé hier, mais qui sont également présents aujourd'hui et qui le seront demain. Et oui, telle est l'histoire. Elle est cyclique, elle se répète. Ainsi, nous aborderons, inshallah ta'ala, l'histoire depuis la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux événements que nous vivons aujourd'hui et jusqu'à l'Marhamat al-Kubra. Là, les grandes guerres, les grandes batailles de la fin des temps. Inshallah ta'ala. Et certains se questionnent sur pourquoi parler d'histoire. Pourquoi parler du passé et de ces hommes et ne pas plutôt se consacrer à l'instant présent et à l'avenir. Et bien, si on retourne au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on pourra facilement constater que le tiers du Coran se compose de récits et d'histoires. C'est une des manières divines d'éduquer la création, de lui enseigner le savoir et de la guider. Allah subhanahu wa ta'ala a dans son livre énoncé de nombreux récits, tels les récits des vertueux, les récits des prophètes et les récits de ceux qui les ont suivis sur la voie de la rectitude. Il y a aussi les récits de ceux qui sont sortis de la voie divine et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Ainsi, il y a là une sagesse dans la connaissance des récits et également de l'histoire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné à la fin de sourate Yusuf. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ou encore, subhanahu wa ta'ala, il dit, et ces paroles, nous les citons aux gens qui réfléchissent. Aux gens qui réfléchissent. Alors, lorsque nous citons et étudions les récits de l'histoire, et particulièrement de l'histoire islamique ou autre, nous devons le faire à partir de ce point de vue-là, c'est-à-dire le point de vue de l'apprentissage, de l'étude, de la réflexion et du discernement. En faisant cela, nous apprendrons à reconnaître les lois divines dans la création en général et sur terre en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala a établi et fixé fermement des règles. Elles ne changent pas ni ne se remplacent. Elles sont immuables. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, La tajidu li sunnatillahi tabdila. Et tu ne trouveras pas de changement à la tradition, à la tradition. tradition d'Allah. Ainsi, notre objectif ici, ce que nous visons par cette série de vidéos et d'audio, c'est d'étudier l'histoire de la gouvernance islamique, l'histoire du califat. L'histoire du califat qui a commencé après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a ressurgi aujourd'hui. Une histoire qui aujourd'hui trouble les esprits autant des musulmans que des koufars. Nous allons, inshallah ta'ala, aborder l'histoire des émirats. Qu'est-ce qui a donné la gloire à cette religion et quelles sont les causes qui ont fait d'elle, de cette communauté plutôt, non pas de cette religion, mais quelles sont les causes qui ont fait de cette communauté une des risées parmi les nations, après qu'elle ait connu la gloire, après qu'elle ait connu le prestige, et après qu'elle ait été l'avant-garde des communautés à travers le monde fut une époque. Bien évidemment, nous ne rentrerons pas dans tous les détails, mais nous survolerons les grandes lignes de notre histoire. Et celui qui comprend son passé, celui qui sait d'où il vient, alors il saura où il va. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, en introduction, j'aimerais dire ici que la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam inaugure une période nouvelle de l'histoire musulmane qui durera pendant 30 ans, qui est appelée l'ère des califes bien guidés, la Khulafa ar-Rashidun. Quatre parmi les plus grands des sahaba, des compagnons, choisis en fonction de leur antécédence et de leur mérite dans l'islam, se succéderont à la plus haute fonction de l'État islamique et à la garde de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but ultime de ces quatre califes sera de servir l'islam, aussi bien dans sa dimension prosélytique, dans sa da'wah, dans sa dimension de da'wah, qu'elle soit propagée, que dans sa dimension politique. Ils seront soucieux du bien commun des musulmans. Chacun s'inspirera intégralement de sa façon de diriger et d'administrer les affaires de l'Empire, du noble Coran et des paroles et actes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ils sont surnommés Al-Khulafa ar-Rashidun, les califes bien guidés, et que leur époque, comme nous venons de le dire, sera connue sous le nom de l'ère des califes bien guidés. Cette période sera considérée comme le modèle de l'État islamique, car les califes feront du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur guide et leur modèle, de même qu'ils respecteront scrupuleusement dans leur manière de juger les préceptes du Coran et de la Sunna authentique. Ainsi, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette œuvre et de nos œuvres en général des actions qui soient exclusivement dédié pour sa face, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, nous pardonne nos actions et nous permette de contempler son noble visage. Et j'espère également que ces travaux et ces efforts que nous faisons dans notre da'wah profitent pour le réveil de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle soit bénéfique pour elle, et que ce témoignage soit un témoignage en notre faveur et non pas contre nous. Allahumma ahdina wa ahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada wa ansur ikhwanana al-muslimin alladhina yudafi'una 'aniddin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin wa sallallahumma 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.